Les étangs, la tristesse, je suis sale. L'eau a été coupée chez moi. Je me suis levé sale. Je me rendormirai sale. J'ai promené mon pauvre chien sale. Il marchait dans la boue. J'ai pensé Burke. Oui, mais l'eau de la boue a nettoyé mes chaussures sales. Je suis rentré chez moi, les gens étaient sales. Ils m'ont parlé de manière sale, etc., etc. Pourvu qu'un jour, pourvu qu'un jour.